détestait l'usine, le balai, le pinceau, la tondeuse et le marteau, la disqueuse et les râteaux. J'ai pas trouvé ce qui ne va pas dans ma peau pour m'épuiser aussitôt que j'effleure un petit boulot. J'suis pas de l'aquarelle et des pots, j'attaque la peinture à l'eau.